Chapitre 9e. Résolu à se marier contre le gré de son père et à braver la malédiction dont il avait été menacé, il courut à son arrivée chez Madame Champion. Julie était seule. Il lui raconta l'issue de son voyage, en rejetant sur lui l'amertume de son insuccès et avec toutes les restrictions qu'il jugea convenables pour elle et utiles à ses vues. Ce refus troubla Julie. Les principes dans lesquels elle avait été élevée étaient encore trop vivaces et leurs racines trop profondes dans son cœur pour qu'elle les reniât tout d'un coup. Elle se sentit blessée d'un affront qui atteignait aussi sa mère. Elle déclara à Denis qu'elle ne cesserait jamais de l'aimer, mais qu'elle ne consentirait point à entrer dans une famille qui ne la verrait pas d'un bon œil, et qui semblait la repousser sans même la connaître. Denis pria, supplia, chercha à lui prouver combien elle serait injuste de le rendre responsable des préjugés et de l'entêtement de son père, que son consentement était inutile et qu'il saurait bien s'en passer. Ce fut peine perdue. Julie ne doutait pas de ses sentiments, mais sa résolution était inébranlable. Sur ces entrefaites, Madame Champion rentra. On la mit au courant de ce qui venait de se passer. Elle approuva la détermination de sa fille et déclara à son tour à Denis que sa porte lui serait fermée tant qu'il n'aurait pas le consentement de ses parents. Voilà donc le pauvre Denis moins avancé qu'à son point de départ. Les lettres qu'il écrivit lui furent envoyées, et on lui signifia d'avoir à cesser une poursuite qui tournait à la persécution. Julie était inflexible. Privé de la seule consolation qui l'aidait à supporter sa vie de misère, il traîna quelque temps le poids de sa peine et finit par tomber malade. Julie en fut aussitôt informée, et ne se sentit pas le courage de la laisser souffrir seule. Elle envoya un officieux savoir de ses nouvelles. On lui rapporta qu'il était gravement malade, que sa chambre était un vrai chenil, qu'il était sans bouillon, sans soins, maigre et triste à voir. Elle prit son parti et monta chez lui. Elle le trouva en proie à une fièvre ardente. À la vue de Julie, son visage creux s'illumina d'un pâle sourire, et ses yeux brillants et démesurément agrandis furent plus éloquents que tout ce qu'il aurait pu dire. Il prit les mains de Julie entre les siennes, qui étaient brûlantes, et la regarda avec passion. Julie fondit en larmes, le conjura de revenir à la vie, lui demanda pardon, et jura qu'elle était prête à être sa femme contre le gré de tout le monde. À partir de ce moment, Madame Champion et sa fille furent ses gardes malades et ne quittèrent plus son chevet. Grâce à Julie et à son amour, sa convalescence fut de courte durée. Aussitôt qu'il put sortir, ils allèrent à Saint-Pierre et furent mariés à minuit. Heureux Denis, pauvre Julie. Ainsi s'achève Le mariage de Diderot, extrait des romans microscopiques de Charles Joliet.